بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 16e leçon. Bismillahirrahmanirrahim. As-salat wa salam ala nabina Muhammad wa la ahli wa sahbi wa man itaba'um bi ihsanin illa yawmid din amma ba'd. طيب سؤال ما معنى حتى إذا جاء في منصوب بعدها إذا قال حتى الأولى معنى إلى الثاني معنى لم لكي معنى التعليل لم تعليل يعني معنى الأول حتى معنى إلى معنى جزكا الثاني تعليل معنى بور وفاك والاسم الفعل المنصوب بعدها منصوب بماذا تقول قف حتى اتوضا منصوب بان مدبرة وجوبة نعم او رزمية او زن الثلاثة من تسخير ثلاثي فعيل ورباعي صغير الأسماء الآتية واذكر وزن كل واحد منها وكل واحد منها بعد التسخير ولد ولد على وزن فعل لا نريد وزن التسخير وليد كيف تقول وليد على وزن فعيل نعم قنديل قنديل على وزن فعيل و... لا فعيعيل فعيعيل كيف تقول قنديل قنديل نعم غلام غلام على وزن فعيعيل نعم غليم اسم كتاب كتيب تقول غليم نعم عصفور صيفر على وزن فعيعيل نعم طعام طعام على وزن فعيل فعيعيل على وزن ماذا؟ فعيل كيف تقول تعال مثل غلام ومثل كتاب تعيب قريب على وزن فعيل قريب قريب الذي يعني لنوك يا نونة خذ من لتر حرف علة أنه رباعي يعني دغم طيب لكريم تعيم غليم هكذا جعفر جعفر على وزن فعيعيل جعيفير حمار على وزن فعيعيل حمير نعم سرير سرير على وزن فعيعيل سرير نعم سرير Ça va trop vite d'ailleurs, c'est le 16. Sixième leçon. Par le def ta'ala bi sarf. Bi bab al mazid wa al mujarrad. Elle fait le mazid, lequel est l'attributé ou le mujarrad. On va trouver fi bad aouzen. On va prendre certaines mesures. Une fière. Ou est-ce que nous faisons aïli? Ou est-ce que nous واسم مكاني وزماني. ومن هنا حينما تخرج من ثلاثي المجرد فقط المومو تو سور دو فيرب ا 3 لتر دوريجين كل ما يتعلق بالمصدر وكذا هذا قياسي سي سور مزيون على سهل جدا كل المصادر كلها وزن واحد الصعوبة في الثلاثي فقط ثلاثي لأن مصدره سماعي للغي بعضها لا أحكم لكن قليلا أما الأفعال الأخرى فوق ثلاثي المجرد فمصادرها قياسية إذا عرفت وزن الفعل ستعلم إن شاء الله مصدره على طول مباشرة واسم فاعل واسم مفعولي وكل مشتقات منه تمام عندنا ثمانية أشخاص فأكرر المدرس وأنت أبو بكر أنت عبد السلام أنت أحمد أنت إبراهيم أنت المراقب أنت أسامة وبقية محمد طيب يا عبد السلام أناهئك بفوزك في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده. وقبل السلام je te félicite pour ta réussite ou ta victoire au concours de mémorisation du Coran, du nom du Coran et de tajwid. Abdel Salam, un mec. Hanna ayou hadi ou m'a félicité. Qu'en a-t-il dit? أشكرك يا دكتور جزاك الله خيرا. Je te remercie au docteur, qu'Allah te récompense. يا مروان وزع هذه النسخ على الطلبة. Oh Marwan, distribue ces exemplaires aux étudiants. نسخ جم نسخة. بمعنى هنا exemplaire. Ça peut être une copie quelque chose ou même un exemplaire, une kitab. Dans son kitab et exemplaire d'un livre. Et quel est ce gros livre qui est avec toi, au docteur? C'est un dictionnaire universitaire. Ou plutôt d'ensemble. Je ne sais pas si ça veut dire Jamia ou Jamiwana, qui est d'ensemble. Il contient un grand nombre de profits, de plusieurs profits. Il donne des explications fidèles aux mots avec des exemples, avec beaucoup d'exemples. Il expose les sujets de grammaire, grammaticaux. Et également, il comporte des images colorées pour éclairer ou pour éclaircir l'essence de beaucoup de mots. Gros. Luxueux, un truc bien. Là, on a d'or, mais on a gros. Ahmed. En combien de volumes est-il? Fi mujalladayn dakhmayn. Deux gros volumes. En deux gros volumes. Ibrahim. Qui en est l'auteur? L'écrivain, quoi. Quand le mudarris, Allafahu jama'atu min ulama'i al-lugha. Ahadara Ahmed, donc il a dit, il a été écrit par un groupe de savants de la langue, de la langue arabe. Est-ce que Ahmed est venu? Il dit, je suis là au 16. Ha, on a fait un hatambi. En fait, on a mis un dans Hada. comme on l'a fait auparavant quand on mettait un damir dans un ismishara. Ah, c'est un haftambih. Un an, en fait, c'est damir ana. Le hadith a été enlevé. Kitabatan. Et ça, c'est ismishara. Comme tu dis, ha huada, ha antada, on dit ha anada. Et on donne risque, il y a quoi? Kafula ayyamuk, adil ayyam, ya hamid. Tes absences se sont multipliées ces jours-ci, au hamid. جاءني إلى المدينة المنورة الأسبوع الماضي فكنت مشغولا باستقبائه وخدمته وتوليهم. كدي mon père est venu à Medina à Nabawiya la semaine dernière et j'étais occupé pour le recevoir, à l'accueillir, à le servir et à lui faire le dire au revoir. مهما يكون السبب فقد فاتتك دروس مهمة. Quelle que soit la cause, beaucoup de cours t'ont beaucoup échappé, Tu as dit, tu as raté beaucoup de cours. Abdel Salam. Donc il dit, est-ce que nous activons ou nous allumons la clim, la climatisation au docteur, car la chaleur s'est intensifiée, elle s'est amplifiée. Chagrin et chagrin, c'est activer, mettre en route quelque chose. La mania, pas l'empêchement. Il y a trop le mouraki, le surveillant entre. في مخيم الشباب فيسجل اسمه في مكتبي. Donc il dit après avoir fait les salutations, celui qui veut participer au campement des jeunes, alors qu'il inscrive son nom chez moi dans mon bureau, il s'inscrive chez moi. Et là c'est mukhayyamat là, je sais pas si c'est le qui vise, mais c'est un truc que les frères musulmans ils font pendant l'été, ils font des camps de regroupement avec des tentes tout ça. Dans lesquels ils balancent leur chevouette aux jeunes. Genre, c'est un peu genre, Yarni. Je sais pas si c'est la même chose que le scout. Si le scout en Saoudi, j'ai déjà eu une vidéo une fois il y a longtemps, à l'époque où je connaissais pas le rang sur la télévision. Il y avait Sharon Sébille qui parlait qu'il y a un groupe de scouts. Tu vois, je sais pas si c'est la même chose. Je sais que juste que c'est marlouf en Saoudi, les. Enfin, j'ai de la tout dans l'œil, là. Que les Ikhwan Moussemoud, ils ont des Moukhayyema, ça s'appelle, tu vois, des camps. Une espèce de camping durant lesquels ils inculquent leur chambouette aux jeunes. Je sais pas si genre en ambiance scout ou en ambiance colonie de vacances, tu vois, mais voilà, en tout cas c'est un truc que je vis, un truc de Tadia. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'eux ils visent là, mais je connais que ça quoi. Chaque fois le Mouraqib, il y a vraiment des trucs. Ouais, le Mouraqib, tu vois, celui qui a le Mouraqib là. Il s'en va, il sort. لنسمع الحديث الشريف المسجل على الشريط يشغل المسجل. Donc il dit que nous écoutions le hadith, le noble hadith enregistré sur la cassette. Donc il active l'enregistreur. Ami le lecteur aussi. Ya Ibrahim, la tukallim zamilak wa anta tasma. Ô Ibrahim, ne parle pas à ton camarade alors que tu écoutes. انتهى الحديث لنسمعه مرة أخرى. Le hadith s'est achevé, que nous l'écoutions une autre fois. يوقف المسجل. Donc là il arrête le musajjil. اقرا هذا الحديث يا اسامه. Récite le hadith à Usama. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وعلي رضي الله عنهما عنده الاقرع بن شاج بن حارث الا عشرة من الولد ما قبلت منهم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه قال que le prophète صلى الله عليه وسلم a embrassé le Hassan le fils de Ali رضي الله عنه alors qu'il se trouvait chez lui Al-Aqra ibn Habis, un sahabi qui s'appelle Al-Aqra ibn Habis, et Al-Aqra a dit certes j'ai 10 enfants et je ne l'ai embrassé aucun d'entre eux. Alors le Nabi Sallam le regarda et dit, celui qui ne fait pas miséricorde ne sera pas fait miséricorde. Donc t'as pas qu'on en est. Et le hadith était présent dans un livre. Ah, j'ai oublié le nom de l'auteur. Il s'appelle Isla al-Mujtama. Et Shariah a fait le tarqiq de ce livre. Et l'auteur de ce livre, il avait un animal pareil sur ce sahabi, à la clave de Habis. Il disait que c'était quelqu'un de dur, d'insensible. Et le shir, tu vois, dans le hadith, dans le livre, il fait plusieurs remarques sur les erreurs de l'auteur. Il a oublié de parler de ça. Donc ils ont fait quoi, eux, les Hizbis? Ils disent que Shariah est d'accord avec lui. Comme il a fait le livre, il a oublié de faire un tanbir. Il a fait d'autres remarques sur d'autres erreurs qu'il a fait l'auteur a parlé sur d'autres sahaba. Et là, il a oublié de le faire, la remarque. Donc ça veut dire qu'il est d'accord, direct. Pour dire comment il cherche, il ne sait même pas quoi dire. Donc de là, ben, Shariah il part sur le sahaba. C'est un rafidi, moi. انظر يقول احسنت ماذا فهمت من هذا الحديث يا اسامه وكيف شو جاي يقول كاتش كومبري دو حديث او اسامه فهمت منه ان تقبيل الاطفال امرون حسن انه يدل على الشفقه الرحمه دي جي كومبري دو جي كومبري دو lui que le fait d'embrasser les enfants est une bonne chose et que cela prouve démontre la compassion et la miséricorde. المدرس أحسنت يا أحمد ما معنى قول المحدثين إن هذا حديث متفق عليه. Donc tu as bien fait, tu as bien répondu. Oh Ahmed, que veut dire la parole des gens du hadith, muhaddith et le savant du hadith? Certes, le hadith est متفق عليه. Unanimement reconnu. محدثان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله في صحيحيهما. Le sens de cela est que le hadith a été rapporté par les deux muhadiths splendides qui sont l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. L'imam muslim c'était l'un des élèves de l'imam Bukhari. Quelle est leur façon de dire à tous les deux? Dans leurs deux sahih, leurs deux livres authentiques respectifs sahih. Et bien sûr, il est reconnu que le sahih Bukhari. فهمت؟ أكبر صحيح مسلم أدق ده اللي ممكن يجوا عن المغيرة بس صحيح مسلم في سبيكي عنه أحسنت جميع يقوم جميع جميع فيه محمد وهو أنه محمد يا محمد يا دكتور أنا حديث عهد بالإسلام أرجوك تعلمني كيف أصلي على الميت. Dis au docteur, je suis nouveau en islam. Hadith Ahad. L'islam, ça veut dire nouveau en islam en fait. Arjoun tu alimani, j'espère que tu m'apprendras comment je fais la salade sur le mort. Yaqul. Bikuli surur, avec joie, avec toute joie. Tu kabbiru wa takraou surat al-Fatiha. Donc tu fais le takbir et tu récites surat al-Fatiha. Fuma tu kabbiru wa tu salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu fais le takbir et tu fais la salade du nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la même que dans le tashahud. Avec la salat ibrahimiya. Thumma tukabbiru wa tad'u lil mayyit. Ensuite tu fais un takbir et tu fais le doa lil mayyit. Il y a plusieurs doa qui ont été cités respectivement et tu peux aussi dire un doa de toi-même, mais le meilleur c'est de citer ce qui est venu dans le sunnah. Thumma tukabbir wa tusalli. Ensuite tu fais l'autre takbir, le quatrième takbir et tu fais le salat, le taslim. Jazakallahu khayran ya doktor. Ça va? يا دكتور في أي سورة قول موسى تعالى وورث سليمان داود. Il dit au docteur, dans quelle sourate se trouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman hérita de Daoud. Donc il dit, c'est la 16e, le 16e verset de la sourate des abeilles. يا دكتور أرجو أن تكتب لي أسماء البعض ولفا. Donc il dit au docteur, j'espère que tu m'écriras le nom de certains ouvrages de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Inch'Allah. Et Ikhwan, quand Hana waqt al-salat al-dhuhr, ou les frères, le temps de la salle de dhuhr est arrivé. Walamma yu'adhdhin. Et il n'a pas yu'adhdhin afwan. Et il n'a pas encore eu l'adhan. Yabdouan al-mu'adhdhin ghayr mawjoud. Il apparaît que le mu'adhdhin n'est pas présent. فليخرج أحدكم إلى المصلى وليؤذن. Que l'un d'entre vous sorte au lieu de salat et qu'il fasse l'adhan. C'est Docteur, c'est un mot en jami. Docteur, à base, c'est quelqu'un qui a obtenu un doctorat. Quelqu'un qui a obtenu un doctorat, tu l'appelles docteur. Ça ne veut pas dire que c'est forcément tabib. C'est un doctorat, c'est un niveau. Tu en as quoi aujourd'hui ? Il vient qu'on agit à ce fait. Il y a une question suivante, pour le précédent. Manelazi Kabbalan Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Quel est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé ? Fanien, ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك؟ Qu'est-ce qu'a dit l'Aqra lorsqu'il vit cela? ثالثا, ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ Que lui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم؟ Souvent, il y a d'ailleurs qu'il الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. Le verbe est soit en trois lettres, soit en quatre lettres d'origine. فثلاثي إما ما كان فيه ثلاث أحرف أصلية يعني ثلاثي مجرد يزاد هذا الثلاثي المجرد ما كان فيه ثلاث أحرف أصلية c'est celui qui comporte trois lettres d'origine les trois lettres et trois lettres sont les lettres d'origine نحو دخل كتب شرب ورباعي ما كان فيه أربعة أحرف أصلية كذلك الرباعي المجرد neutre, quoi, de base. Celui qui est quatre lettres d'origine. Nahu, tarjama, qui veut dire traduire ou faire la biographie de quelqu'un, ainsi de suite. Harwala, qui veut dire starjala, aller marcher vite, se précipiter. Ou basmala, qui veut dire prononcer le fait de dire bismillah. Par l'avant. Fumakol, wa kullun min huma, imam mujarrad ou imam mazid, kama kulna. Et les deux, parmi le soulafi, ou un soulati ou le rubai, ils sont soit mujarrad, c'est-à-dire que leurs lettres, les lettres qui sont citées dans le vers sont d'origine toutes, sans ajout, ou ima mazid. Ma mazid, c'est le verbe sur lequel on a rajouté des lettres par rapport à cette d'origine. Fa mujarrad ma kana jamia hurufi asliya. Mujarrad, celui dont toutes les lettres sont les lettres d'origine. Wal mazid ma zida fihi harfun ou akthar ala ahrufi asliya. Et le mazid, c'est celui auquel on a rajouté des lettres par rapport à ces lettres. On a acheté une lettre ou plus sur cette lettre d'origine. Voyez. Fuma qala, al fi'l thulathi al mujarrad lahu sittatu abwab. Wa hiya. Et le fi'l thulathi al mujarrad, il a six catégories. Awalan, fa'ala yaf'ulu. Yani ma'a fath al 'ayn fi al madi wa dhamm al 'ayn fi al mudari. Nahu kataba yaktubu. وفعل يفعل مع فتح العين في الماضي وكسر كسرها في المضارع نحو جلس يجلس ثالثا فعل يفعل مع فتح العينين أي في الماضي والمضارع نحو ذهب يذهب رابعا فعل يفعل مع كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع نحو شرب يشرب وخامسا فعل يفعل مع ضم العينين أي في الماضي والمضارع نحو كثر يكثر سادسا فعل يفعل مع كسر العينين في الماضي والمضارع نحو ورث يرث أو حسب يحسب ونادر قليل ونادر قليل جدا للخير عصر الله على وصف فعل يفعل لغا لا أيوة لأنه مثال الفعل مثال طيب أولا يقول ميز الفعل الثلاثي من الفعل الرباعي فيما يلي donc distingue entre le verbe ثلاثي à trois lettres et le رباعي dans ce qui vient حفظ نام ترجمة خرج هرولا بعثرة بعثرة معنى أنت جل فوضى tu disperses les choses, tu réponds les choses. Les choses mauvaises. Là, tu es dans la maison, par exemple. Tu fais le fouda, tu fais le désordre. Da'a. Da'a, c'est طيب ما يجوز الفعل الثلاثي المجرد من الفعل الثلاثي المزيد فيما يلي donc là il faut que tu différencies entre le fil de trois lettres d'origine et celui qui a un foulati auquel on a acheté les lettres. Saddaqa. À la mazid ou Moujarrad? Non, mazid. Parce que là, il est devenu à quatre lettres. Avec la shadda qui est au milieu, en fait, il y a deux d'elles. C'est Saddaqa. Donc on a fait quoi? Avec drob, on a dit Saddaqa avec une shadda. Ça, c'est un foulati mazid qui s'appelle. Un foulati mazid. Qara'a. Mujarrad. Fataha. Mujarrad. Aslama. Mazid. Aslama, il dit portant l'islam. Soumettre. Taqabbala. Mazid. Qui veut dire accepter. Sami'a. Mujarrad. Istaqbala. Mazid. Mazid. Alors c'est Qabala. On a ajouté le Hamza, le signe de la terre. Kawa. Non, waqafa, kawa c'est repasser les ma'louf. Waqafa. Mujarrad. Non, ishtara. Mazid. Non, celui-là on a acheté le hamza et le ta. À la base, le shin, le ra et le alif sont les deux d'origine. C'est shara à la base? Non, shara. C'est du quoi shara? Acheté, oui, non. Mais à qui n'a pas eu. Tu utilises le verbe ishtara. Et la différence entre taqabbala et qabala, c'est quoi? Qabala et qabala. Ça va bien, inshallah. Le ma'ana de M. Ouzan. Thaniyan, min abwab al fi'l thulathi, al mazid, bab, fa'ala. Zida fi, harfun wahid. Parmi les catégories du verbe à trois lettres, al mazid, on a celui qui est sur la mesure fa'ala, dans lequel on a rajouté une lettre. C'est le aïn répétitif qui se répète. Mathalan, fa'ala, c'est un fa, aïn ou alam. Et fa'ala, c'est un fa, c'est un aïn sakin, aïn maftouha, summa alam. Donc fa'ala, la voix, c'est fa'. C'est fa'ala. À la base, c'est fa'ala. Et on a rentré le aïn, le premier dans le deuxième. Ta'amel absilat al-atiya li bab fa'ala. ثم اكتب المضارع والامر والمصدر من الافعال التي تليها وتصريف هذا الفعل سهل جدا هو سهل جدا وقياسي اذا علفت احد الاوزان تعرفها كلها تقريبا مثلا سلم في الماضي على وزن فعل مضارعه يسلم على وزن يفعل والامر سلم على وزن فاعل والمصدر تسليم على وزن تفعيل فكلها كذا تقريبا الى شيء قليل قبل مضارع يقبل الامر قبل المصدر تقبيل سبح فالتسبيح يا سبحان الله المضارع يسبح الامر سبح والمصدر تسبيح فيبقى لنا في نفس الشيء مع الافعال الاخرى كبر عندك عفوا سؤال لما يكون فعل معين لا تكون لما يكون اذا يكون فعل اذا كان مثلا اذا كان فعل معين سياتي بعد ان شاء الله كبر يكبر كبر تكبير نعم علم يعلم علم تعليم نعم وضح وضح يوضح نعم يوضح يوضح ووضح وضح وضح توديع وزع وزع وزع وزع توزيع لا سجل يسجل سجل تسجيل هذا ça peut être inscrit, enregistré, noté. هنأ qui veut dire félicité. هنأ المصدر موجود بالحمزة tu peux dire تهنئة بالحمزة tu peux dire تهنئة بالياء Et les sont permis. Sama. Qui veut dire nobé? Sama. Là. Samma. Yusambi. Yusambi. Yasmiya. Al-Amr. Samma. Al-Amr. Samni. Naam. Ou le masdar tasmiya. Hayya, qui veut dire saluer, car Hayya qu'Allah. Il y en a faire celui de Kala tu salues. C'est le quoi, on a Kala tu salues. هذا من التحية ليس من الإحياء. حي يحيي حي التحية تحية رب كيف يجي غدك ربي رب رب لا ربي نعم ربي تربية تربية نعم مصدر باب فعل تفعيل مصدر فعل تفعيل ويأتي الأول تفعيلة بدنيا طيب صويا تفعيلة إذا كان الفعل ناقصا أو محموز اللام في نصك ناقص طيب باسم السمى صوت وزن سبب تفعيلة صويا Tu peux mettre le lien, tu peux pas le mettre. Et également, lorsque les mahmouz al-lam, c'est-à-dire lorsque quoi? Comme hanna'a. Lorsque son lam, c'est un arabe, c'est un hamza. Il vient à la waz taf'ila. Comme tahni'a. Comme on l'a pris en haut. Tahni'a, de tahni'a. Tu peux dire tahni'a ou tahni'a. Bien joué. هذا من اعتراف بوزن الماضي والمضارع والامر والمصدر الان يقول عرفت في الدرس السابق ان اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل tu as vu dans un des cours précédents que l'isme fa'il du verbe à trois lettres neutres est sur la mesure de fa'il وعلم الان ان اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي المجرد يكون باللفظ مضارعه بابدال حرف مضارعه ميما مضمومه وكسر ما قبل اخره نحو يعلم معلم donc tu veux dire quoi maintenant que le isme fa'il du verbe qui a plus de trois lettres c'est tout simplement tu prends son mudari'a et à la place du harf mudari'a qui est au début le hamza ou le ya ou le nun ou le ta tu mets un mim avec une dhamma tu mets un mim avec une dhamma مثلا علم c'est quoi son mudari'a يعلم C'est quoi son isme fa'il? Mu'allim. En fait, le harf mudari'a, la première lettre, on la change par un mim. Avec une dhamma. Tu veux dire mu'allim. Tu prends son mudari'a, tu enlèves la lettre du début du mudari'a et tu mets un mim avec une dhamma à la place. Tu as son isme fa'il à la place. Ça, c'est tout ce qui est verbe autre que sous la fin mujarrad. Yakul hat asma al fa'ilin min al afal atiya. Donne l'isme fa'il des verbes suivants. Taïeb. أذن يؤذن اسم فاعل مؤذن كما شديد شو تشبه مضارع c'est quoi يؤذن à la place du yesh bien bim c'est quoi مؤذن celui qui fait la dame سجل يسجل مسجل حدث يحدث محدث celui qui discute ou bien un savant de la fin du hadith درس يدرس celui qui s'est enseigné اسم فاعل مدرس صور يصور سي فاصول ديماج مصور مصور دلال الحديث لعن الله المصورين فالله مودي وكلام موديس ceux qui font des images mais quelles images des êtres qui contiennent des âmes que ce soit avec le dessin la photo ou même le fait de filmer c'est un truc parce que un dessinateur c'est un مصور Un photographe, c'est un moussaouir. Un caméraman, c'est un moussaouir. Tous, c'est le même nom. C'est aujourd'hui, les gens essaient de différencier, mais en arabe, c'est le même mot pour tous. Le fait de faire une image. Que ce soit par la main ou par un appareil. Et non, moussaouir min asma'illah. Rassama aussi, ça peut être dessiné, mais Rassama ibn Soumou, c'est aussi dessiné, tu vois. Ça peut être dessiner un plan, ou dessiner un bonhomme, ou autre chose. Mais ça, ouvre c'est donner une image, donner forme à quelque chose. Hein? Donner forme à quelque chose. Même sculpter. Un sculpteur, c'est un ça ouvre. دخن يدخنوا نفسه يفمي مدخن الفمير مدخن مدخن طبعا تدخين ما يجوز. طيب رابعا يقول عرفت في الدرس السابق أن اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعول. Donc tu as su dans un cours précédent que l'isme maf'oul d'un verbe de trois lettres neutre, d'origine, et sur la mesure maf'oul. وعلم الآن أن اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي المجرد يكون على وزن اسم فاعله مع فتح ما قبل آخره. Donc là tu vas savoir que l'isme maf'oul de tout ce qui n'est pas un verbe soulati à trois mujarrad, tu prends son isme fa'il et à la place de la kasra qui est à la fin, qui est avant la fin, tu mets le fatha. C'est tout. C'est le même wazn, sauf qu'à la place de la kasra qui est avant la fin, du isme fa'il, tu mets le fatha. Mesalan, sajjal et sajjilu, c'est quoi son isme fa'il? Son isme fa'il. Moussajjil. Moussajjil. Ma foi, c'est quoi Moussajjil? À la place de la kasra, on met le fatha. Sinon, c'est le même. يقول حد أسماء الفاعلين من الأفعال الآتية ثم حولها إلى أسماء مفعولين. Donc donne اسم فاعل et en suivant des verbes suivants et ensuite transformer en اسم مفعول. مثلا comme on l'a dit là, سجل المضارع يسجل اسم الفاعل مسجل اسم مفعول مسجل. طيب ألف qui veut dire rassembler, ça peut aussi écrire المضارع يؤلف مؤلف مؤلف مؤلف المؤلف الكريمه المؤلف سي لوفراج في تاليف سي لو فات ديكير سي المصدر رتب كي بدي اوردوني بلاسي يرتب مرتب مرتب صلح كي بدي اعمي كلكا صلح مصلح مصلح سلك النعم مصلح سي سلك يعمي علق يجي فرمي يعلق معلق معلق نعم دفعت ضد من تبي صرح صرح سفي صل جلد جلد qui veut dire peut-être nous ici le tajlid c'est le fait de recouvrir les livres mettre de la peau pour les mettre en volume donc c'est jallad là le mot doit aller مجلد مجلد مجلد مجلد نعم لونة شو بدي أقول غير لونة يلون ملون ملون نعم حمد محمد محمد محمد نعم محمد محمد تلوك له أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من حمد اسم مفعول محمد سلوك بكلوه. طيب خامسا عرفت في الدرس السابق أن اسمي زماني ومكاني يشتقان من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعل ومفعل. Donc on a vu dans un dernier précédent que les noms de zaman et mekan sont pris du fi'l thulathi le neutre sur la mesure mafa'il ou mafa'il. متى مفعل؟ مفعل لما في المضارع. هذا خطا يا بابا لما لما لما لما لما اذا تعبير ما هو صحيح اذا تجد المضارع مثل شرب يشرب على كسرة على العين فتحة على العين او فعل اجوف مثل كان مكان ما كنا ما زالت الى وزن مفعل وزن مفعل فعل ناقص كان جار مجرى او فعل مضارع مضارعه مفتوح العين او مضمومها نعم مضمومها وعلى وزن مفعل متى كان فعل فعل أجوف أو مثال مثال مثل وقع موقع أو إن كان فعل مضارع مجرور العين في المضارع مكسور مكسور العين في المضارع مثل جلس يجلس طيب احسنت واعلم الان انهما يعني اسم مكان وزمان يشتقان من غير ثلاثي مجرد على وزن اسم مفعول من on sait que le اسم زمان ومكان tout ce qui est pas un verbe ثلاثي مجرد il vient à la même forme que اسم مفعول il est comme اسم مفعول نحو صلى يصلي سيكون مصلى اي مكان الصلاه طيب يقول سادسا تامل امثله لباب فعل وعين فيها الماضية المضارعة والأمر والمصدر واسم فاعل واسم مفعول واسم زمان ومكان. Donc dans les exemples suivants, tu dois désigner le verbe à la voix fa'ala, ce qui est son ماضي ou son مضارع ou son أمر ou son مصدر ou son اسم فاعل ou son اسم مفعول ou اسم زمان ومكان. قبل طفل أمه l'enfant embrasse sa mère. ماضي. نعم قبل. مقبل ايش؟ ماضي لا دبوجي سي كوا ثانيا أذن للظهر يا علي فقد حان الوقت في الأذان دي ظهر هو علي كان لو تون ديجا ارريفي سي كوا لا أذن ثالثا هذه الكتب للتوزيع على الحجاج Ces livres sont pour distribuer sur les pèlerins. Masdar Tawziyan. Aïdaka suratun mulawwanatun lilka'bati al-musharrafa. As-tu une image colorée de la Kaaba anobli. Et dans le shahin Mulawwana, c'est quoi? Ismafoul. Waïdan المشرفة المشرفة اسم فعل طيب قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في الماضي أين علمه نعم ثالثا زارني صديقي ورحبت به زارني لا ما يدخل في باب فعل ورحبت نعم سافر ماضي ما معنى رحب يرحب سوت لا بيان قال تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم aujourd'hui nous fermons leur bouche et leurs mains nous parlent وتكلمنا نعم في المضارع طيب ثامنا ولدت لي بنت وسميتها مريم سميت ماضي نعم ماضي من الذي ألف الموطأ كي celui qui a écrit الموطأ في الماضي أين ألف أيوة وأيضا في الماضي ألف طيب وأيضا خلاص أجبت جزئيا أنا أريد الجواب كليا tu as répondu partiellement ألف فقط il y a pas autre chose الموطا هذا اسم مفعول اسم مكان الموطا الله أعلم طيب أجل الاجتماع إلى أجل غير مسمى La réunion a été reportée à un terme non défini. Oudjila. Oudjila. Là. Non, mardi, ça c'est mourir le sira. Là. Oudjila, c'est se réunir, ça. Oudjila. C'est reporté. Reporté. Retardé. C'est quoi? Isma Foul. Hadi Asha. Tu dachin? Là. Tu dachilou rajoun aakilou. Inna tatrina sebebu amuradin khatira. Quel saratan? Est-ce que tu fumes? Donc, et est-ce qu'un homme sensé peut fumer? Certes, le fait de fumer est une cause de maladie dangereuse, comme le cancer. Saratat, le cancer. بلعني أنك عينت سفيرا وجدت لتهدئ. Il m'a été parvenu que tu as désigné un ambassadeur. Je suis venu pour le, ou du moins pour la prestation. عينت, que tu as été désigné toi. بلعني أنك عينت, et أنت سفيرا, que tu as été désigné, nommé comme ambassadeur. عينت Brouiller le sira. Là. Tahdi'a. Tu vois comment on commence par un thème. Aslim, Takbir, Takfir, Tawhid, Masdar. أين المصلي والمصلى؟ اسمه كم؟ نعم. أدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. معنى بوكي. أنصة النبوية من باب تطبيق الأحكام فقط. المنورة. المنورة سيبا. اسمه كم؟ ها؟ منورة. لا. ما هو اسم المكان؟ مفعول. اسم مفعول نعم. إكليريكو. النورة النويرة كذا إكليري. يلمينه. خامس عشر. هذا دواء مكوي مكوي نفعل. مكوي مكوي. C'est un médicament qui renforce. Comment on appelle ça hein? Un stimulant. Un truc qui donne la gouache. Un stimulant. C'est un stimulant. C'est mon frère. Non. Voyez. Sabi'an. Man min awzad jam taksir. Parmi les mesures de jam taksir. Fa'ala. Ala wa sa'ala bi tamamouta. Nahu talib talaba. Fajir fajara. Kafir kafara. Hakada. Fasik fasaka. حج من أسماء الآتية على هذا الوزن عايز تظني من كافر فاسق فاجر نعم أولئك هم كفرة الفجر نعوذ بالله أن نكون منهم ثامنا من أوزان جم تكسير فعل نحو نسخة نسخ également la mesure fu'al hajja min asma al-atiya ala hadha al-wazn sura l'image sura sura la suite de la sourate nafsu shay la mesure fu'al sura sura ghurfa ghuraf umma لا في التجد فكر دغم فسيباري لا أنا وصف فعل فعل أمة أنا وصف فعل ليس الجنب هو الثاني نسخة كل نسخة أمة تكل أمام أمام دولة دول دول تاسع نقول شرح كلمة شرح مصدر من الفير شرح يشرحه كيف بدي اكسبليكي شرح سيغنيفيكاسيون او كومونتير وهو لا وزن فعلي سي ان فير ثلاثي كما قلنا دي فير ثلاثي لي فام اون ريغل بور ديفينير سون مصدر سي سماعي سي ليكوت يكون حتى مصادر افعال اتيا وزن فعل دونك لي مصدر ديال سيفون سور جور فعل درس يدرس المصدر درس فتح يفتح المصدر ضرب يضرب المصدر أمر يأمر المصدر قتل يقتل المصدر نهى ينهى المصدر أيوة أحسنت ملأ يملأ مصدر مل مل أن يعني يقول ملؤون لكن المصدر صغير بيان المرسل يجب أن ملأ نعم صبر يصبر صبر تمام عاشرا نقول غياب غياب مصدر غاب يغيب في المصدر دي فيرب سالفونتي وهو على وزن فعال على وزن فعال سوفون مصدر قد تيفيان dans le Kambous, vous allez trouver mon soum. Par exemple, fi'alan, darban, charhan, par exemple, tasliman, vous allez tous se retrouver comme ça, avec le mon soum. Par rapport au mon soum, vous allez trouver comme ça. Il y a quelque chose, Masadi al-Afal Atiya, la waz, fi'al. C'est-à-dire, Qada Yakubu, Mazar, على وزن فعال قام يقوم قائم على وزن فعال قيام قيام نعم صام يصوم صيام آب يؤب إياب إياب لا في درجة ستة كفوك أبا وفي الغدو ها ابا يؤوب فمن الفرد يرجع الى الله وصامت على الله لقيا يلقى كيف يدعو قفي لقاء ايوه هنا الالف يقرا بحمزه تقول لقاء او لقاء قاس يقيس كيف يدعو مزوري على وصف عال قياس قياس شفاء يشفي شفاء ايوه والاليف تقلب حفظه شفاء طيب حاجة عشر ما جاب دكتور نقول فعل دكتور دكتورون لا فاش با انتوندي سولا دكتور لا سي طبيب دكتور attention, comme il dit, c'est pas tu brûles. Tu brûles. Hein? T'es brûlant en même temps, t'as encore un petit côté froid. Pourquoi tu mets A? Il sort tout ce A. Il sort tout ce A. Ah, mais c'est marrant, c'est quand il y a des. Là, enlève ce A, tu l'as déjà. La volée. Avec la soutien, non. L'attendu, enlève le A. Oh, mais il a compris. La caatire. Non. Fanny Racha. Atril. Yabdou, Fidjoubla. Yabdou, Bimana, Minefiat Bada, Yabdou. Mana Vorara. Apparaître. Ah, là. C'est le seul que je laisse pour demain. يبدو تأتي بجملة مفيدة فيها فعل يبدو واستعينوا بالنص وهذا التكست لما يظهر إلى على فم ما يبدو أن المؤذن غير موجود أدخل يبدو بجملة مفيدة في الفاظ نص من الفعل يبدو استخدمه بيان فاليوم أخذنا ماذا بارك الله فيكم الثلاثي المزيد والمجرد ما كنا المجرد والذي حروف أصلية والمزيد والذي زيد حرف أو أكثر على حروف الأصلية والفعل إما مزيد أو مجرد وأخذنا أي وزن اليوم الوزن من المزيد فعل مضارع يفعل الأمر فاعل والمصدر تفعيل طيب وتكون مثال آخر وحد وحد يوحد توحيد الأمر أولا حد وحد واحد المصدر توحيد توحيد نعم اعتدى بلغ كيف يجب أن يبلغ ما هو مصدر تبليغ من هنا الإخوة يفهمون من أين أتى هذه الكلمات وسا دي جون يسافد دو فيير سي مو يا تبليغ يا سي با سي كو تبليغ تبليغ سي المصدر اللي بلغ كي يجب أن ترانسميت لو يسمح كي ترانسميت aux gens le tablir pour que ça trouve في سبيل الله il faut des pour des balirin vous faites tablir de bid'a ce que vous faites votre tablir c'est un tablir de bid'a vous transmettez la bid'a aux gens c'est ça que vous faites en fait non. On a appris que le ism fa'il du fi'l al-mazid il vient avec son voisin du mudari' et à la place de la lettre du mudari' au début on met un mim avec une damma مثلا فعل يفعل لا هذه اسم فاعل يفعل اسم فاعل مفعل مفعل مفعل تي بون دو بوداريا اي على بلاص دو يو دي بيو دو تا او دو تو دو او دو لا بوداريا تي مي ميم على بلاص كي دوبا مفعل اي لو اسم مفعول سي لو على بلاص دو كسره على فتح من فتحه مفعل Et le ism zamen wa makan, il vient à la même voix que le ism maf'oul. Mufa'al. Kazalik. Naam. Tamam. Mafhoum hada? Allez, Radin. Tamarin wa wahid faqat. Wal asila tamam. Fa ila huna. Wa alhamdulillah bil alamin.